Petit, pourtant grandir demeure un rêve. Je plains personne car le vivant porte une antenne. Capter le flot des sons qui soignent, ainsi la vie pense les peines. Je plains personne car en chacun vit cette antenne. Est le plus saint de ceux qui croient, voit la lumière chez ceux qui saignent. C'était bon là. We'll be right back. Thank you.